Ni, nu. Di, du. Émi, ému. Anis, anus. Mit, mut. Nic, nuc. Pi, pu. Vi, vu. Remi, remu. Écru, écrit. Avis, abus. Si, su. Li, lu. Ri, rue.